Filleule et marraine. Hé, Sylvestre, ça avance le tableau, puisque te v'là pas un trasteur. Penché sur le couronnement de la poupe, Paul Kergustel, de Saint-Jean-du-Doigt, un des nouveaux matelots enrôlés par Thor et Pen, est le Poulzic du même bourg. Assis sur une planche volante soutenue par deux drisses, le camarade lève une face joufflue pour riposter. J'en suis à la dernière lettre. Pen, baz. Et ce que ça fait bien. Ah, ils pourront le lire de loin, les Danessaozon. Le pen, baz. Pas trop tôt, vu qu'il sera bientôt temps de démarrer et que le maître d'équipage ne plaisante pas. Quel vieux dur à cuire. J'ai pas vu le pareil du temps que je naviguais. Tout hérissé, tout plein de piquants. Il ne fait pas bon s'y frotter sans précaution. Faut le connaître. Eh bien, garçon, tu feras connaissance avec le lantoc et gare les coups de corde. Si tu ne files pas droit, il t'en cuira. Une bourrade entre les deux épaules redressa du coup Kergustel qui balbutia, dans la surprise de cette intervention inattendue. « Bien sûr, maître, n'ayez crainte, on sera d'attaque, vous verrez ça. » Déjà Pierrick Lantoc, qui faisait sa dernière inspection, l'œil à tout, avait tourné les talons se dirigeant vers d'autres matelots pour voir où en était la besogne d'asticage et de fourbissage qui n'arrêtait pas depuis 2 jours qu'on mettait le cutter en état d'appareiller. Poulzic éclata de rire, ayant assisté de son abri à la courte scène. « T'as parlé à propos, hein, Kergustel ? Ah, dame, avec lui, faut se méfier. On t'a prévenu, pas pour rien qu'il a ce nom-là. » Tout de même, je ne le savais pas si près, ce vieux hérisson. Un oursin, quoi, diable de Lantoc, va. Près, loin, partout à la fois qu'il est. Il va, il vire, il tourne. Pire que les autres, c'est pareil, dans leur flaque d'eau, dans leur mare. On le croit à côté, il est à l'autre bord. On le pense très loin, il est sur vous et il pique. Ha ha, un vrai diable. Bon, bougonna Kergustel. J'en ai assez pêché de ces maudits Lantoc pour savoir ce que c'est mauvais. Pas pour rien qu'on les appelle des diables. Là, fini. Ah, si sa marraine pouvait le voir maintenant, elle en serait fière de son beau filleul. Tout de même, étrange qu'on ne l'ait plus revu, qu'on n'en ait plus entendu parler. C'est pourtant bien elle qui l'a baptisé notre jolie Penbaz. Lestement, il se remet debout, et aidé de Kergustel s'enlève à bout de bras sur le pont du bateau, encombré d'allants et venants. Partout on frotte, on fait reluire les batteries d'acier des caronades de bronze, les moindres morceaux de métal étincellent. Les planches savonnées, passées au grès, peintes à neuf, sont d'une propreté irréprochable. Voiles, agrès, tout est en place, prêt à être manœuvré et effarouché sur ses deux ancres. Le cutter a un léger balancement, comme s'il était impatient d'ouvrir ses ailes pour prendre son vol. Tandis que, sous la direction du contremaître Kéribin et du quartier-maître Tanguy, les hommes s'activent, le second du cutter manifeste son impatience. Il questionne. « À quelle heure le flot, maître ?»« À 4 heures, lieutenant. » »« Il en est 3 bientôt, et le commandant ne devra plus tarder longtemps. » Sinon, nous manquerons la marée, et bonsoir pour le trois-mâts qu'on nous a signalé venant de l'Atlantique. Il aura pu gagner la protection de la croisière anglaise, de sorte que notre Penbaz ne pourra pas encore étreiner son nouveau nom de baptême. Espérez toujours, lieutenant, il n'y a pas d'exemple à mon souvenir, et ça remonte loin déjà, que Thor et Pen aient laissé passer à portée une bonne occasion sans courir dessus toute voile dehors. Vous avez déjà pu le remarquer depuis que vous naviguez avec lui. Mais voyez-vous, il y a connaître et connaître. Quand vous l'aurez pratiqué aussi longtemps que le vieux Lantoc, c'est-à-dire depuis 20 ans bientôt que je l'ai ramassé moi-même, à demi-mort sur son épave aux alentours du Cap Horn, vous penserez autant dire comme moi. Il sait toujours où il va et ce qu'il veut. C'est pas parce que je l'ai élevé et que je lui ai inculqué une partie de ce qu'il a appris, mais c'est du fier sang qu'il a dans les veines. Ha ha! Pour prononcer ces mots, Pierre Lantoc a, un moment, retiré de ses lèvres la pipe noire à court tuyau qui ne les quitte jamais. Il rit d'un rire presque muet, semblable à une grimace, ce qui, chez lui, est l'expression de la plus vive satisfaction. et cligne ses petits yeux gris d'acier, perdus sous les touffes de ses rudes sourcils aux poils noirs mélangés de poils gris. Lui, si laconique d'ordinaire, plutôt bougon, devient intarissable quand il s'agit de son chef. Il poursuit. C'est comme de ces vins d'épave qu'on ne sait pas d'où ils arrivent, de quel bateau ils sont tombés, de quel pays ils viennent, quelle est leur crue, et qui sont les plus fameux d'entre les plus fameux, et qu'il n'y a pas mieux pour le gosier et l'estomac, qu'on ne doit pas en avoir à boire de meilleur en paradis. Ah, mais, avec cette différence que lui, tort et peine, si c'est une épave dont on ne sait ni le nom ni la parenté, on connaît au moins son pays qu'est la Bretagne, vu qu'il a jaboté Bretonnec dès que la parole lui est revenue. La Bretagne, le roi des pays, quoi. Possible et même sûr, riposte Jan Postek. Mais tout en causant, il a continué de surveiller le fond de l'anse de Primel que la marée montante envahit peu à peu, fixant ses yeux noirs sur la masse du manoir qui barre l'entrée du vallon, et il ajoute « Eh, ma foi, le voilà en personne qui sort du château, qu'on jurerait qu'il en est le châtelain tant il a haute mine. Vous aviez raison, vieux Lantoc, un fier sang qui bouillonne dans ces veines-là. » Le maître d'équipage s'épanouit. Toute sa face brune au menton et aux lèvres rasées se dilate, semble s'élargir encore de l'une à l'autre de ses oreilles écartées, montrant des pommettes plus saillantes, un menton plus anguleux entre les favoris courts, aux brousses inégales, taillées en ailerons pointus, tandis que sur le crâne, dont les tempes dénudées envahissent de chaque côté une partie du front, se dresse bizarrement, comme une crête de coq, une brosse irrégulière de cheveux gris, formant un promontoire hérissé de découpures du plus singulier aspect. Comme signe particulier, une balafre énorme entaille un coin de sourcil, le front et la joue gauche, et se perd sous l'oreille, souvenir d'un abordage. Avec cette tête triangulaire, presque toujours sans coiffure, dont le cou court, alourdi de fanons plissés, exagérément large de la base, s'évase en deux épais tendons pour rattacher le crâne aux épaules, aux omoplates et à la poitrine très bombée, tandis que le corps, maigre, dépourvu de ventre, finit en s'amincissant par le bas, collant l'une contre l'autre des jambes osseuses, il représente assez exactement ce poisson auquel faisaient allusion Poulzic et Kergustel, poisson bizarre, tout en tête monstrueuse et en avant-corps épais, garni d'une arête épineuse, aux dards inquiétants sur le dessus du crâne et sur le dos, aux bajoues ornées de nageoires courtes et pleines de dangereuses épines, que les Bretons appellent un lantoc ou un diable, et qui pullulent, à marée basse, dans les mares laissées par la mer dans les rochers. Le maître du cutter, cumulant en même temps les fonctions de capitaine d'armes, ce qui lui donne la charge de la police et l'application des punitions, a l'allure, l'apparence générale, les manières, les façons d'aller et venir rapidement, la rudesse et le cuisant contact de ces lantocs, dont par un hasard de la naissance, mystère d'origine atavique, il porte le nom. Peut-être provenant du sobriquet d'un ancêtre, comme un hasard de la nature lui en a donné le physique. Il le sait, l'accepte, et s'en fait presque une qualité. Du reste, il est aussi apprécié pour son esprit de justice de son équipage de Bretons, qui ne se fait pas faute cependant de lui appliquer d'incessantes comparaisons avec le poisson diabolique que craint pour sa sévérité. Rude, aux autres comme à lui-même, il n'a qu'une faiblesse, qu'une émotion, son commandant. Il ne s'attendrit que pour un seul être au monde, Thor et Pen. De taille moyenne, sec, tanné comme conservé dans la saumure et semblable à un hareng sort pour les teintes fumées, bitumeuses par endroits, dorées en d'autres d'un épiderme rissolé, cuit et recuit, Pierrick Lantoc, avec ses 60 ans bientôt, est toujours infatigable. Le premier debout, le dernier couché, les muscles souples et solides comme des câbles tressés en fil d'acier, il ne semble jamais prendre de repos, toujours en éveil, l'œil à tout, l'esprit net, rôdant, tournant, virant, surveillant son bâtiment de la cale à la pomme du mât. Il a l'amour de la mer, la passion du bateau sur lequel il se trouve. En ce moment, il est satisfait et il attend la venue du commandant, désireux de saisir dans ses yeux la première impression que va lui produire le cutter, prêt à appareiller. Il tire de sa pipe bouffée sur bouffée, masquant son émotion derrière un nuage de fumée. De la rive, une yole se détache, conduite par deux hommes dont les avirons nagent vigoureusement. Thor et Pen est à la barre. Un coup de sifflet roule à bord du cutter. Lantok n'a plus sa pipe à la bouche et ce sont ses lèvres serrées sur le sifflet d'argent, éternellement pendu à son cou, qui modulent un commandement. Chacun court à son poste désigné d'avance pour être prêt à recevoir le capitaine que ses trilles roucoulants annoncent. Ivan Postek se plante à la coupée de tribord près de l'échelle, en bas de laquelle s'arrête la yole. En quelques bonds, cédant à peine des tire-veilles, Thor et Pen est sur le pont. Ses yeux s'illuminent après avoir couru partout autour de lui. Ses narines ont un frémissement joyeux. Kéribin souffle tout bas à Tanguy. Il est content, c'est sa mine des jours où il y a de l'anglais sous le vent. Sûr qu'il a flairé le trois-mâts avant même qu'on ne lui ait appris la nouvelle. « Le flot est à 4 heures, commandant, » annonce Postek. « Oui, je sais, à 4 heures un quart, l'appareillage. Que les deux ancres soient à pic. » Il fait quelques pas, examinant tout autour de lui. Lantok le suit sans dire un mot, surveillant les jeux de sa physionomie, heureux de l'expression satisfaite qui se lit clairement dans ses traits. C'est que, seul sur le cutter, le maître d'équipage est au courant de la pensée secrète du corsaire, depuis que, dès le matin, son chef l'a abordé par ces mots. « Lantok, il viendra de la jeunesse à bord avant notre départ. Faut que le penbase reluise comme le soleil, que le fiel fasse honneur à la marraine. » Pas une syllabe de plus, pas d'autre explication. C'est tout juste si le vieux marin a compris ce qui lui était dit. Une seule chose l'a frappé, cette allusion à une visite. Il a grommelé, moitié content, moitié fâché, par jalousie. De la jeunesse, bien sûr, c'est quelque corvette qui va s'amener toute toile dehors. Le cutter sera plus flambant qu'elle, foi de Lantok. L'inspection se poursuit. Le capitaine examine les tenues, interroge l'un, questionne l'autre, puis, saisissant la longue vue accrochée près de l'habitacle, la braque du côté de la terre, vers la hauteur. Quelque chose de blanc voltige là-haut comme un papillon. « Voile à l'horizon !» observe en riant et à mi-voix Kéribin appuyé au cabestan. « Toute une escadre !» appuie Tanguy étonné. À travers la brousse, un cortège apparaît. Des femmes, des hommes. Thor et Pen poussent un soupir de satisfaction, renfoncent d'un coup de paume les tubes de sa longue vue et la replacent sur l'habitacle, l'air radieux. À mesure que le groupe se rapproche, on distingue mieux. Il y a un certain nombre de paysans, de pêcheurs, mais surtout des femmes dont les jolis tabliers, les pimpantes collerettes, les coiffes de neige mettent une gaieté de fête dans ce paysage un peu triste de décembre, avec son soleil pâle et ses grands nuages errant à travers un ciel bleu-gris. La brise fraîchit au lieu de mollir. Fameux pour appareiller, songe le second observant que le vent souffle toujours du nord-est. Tout va bien, le petit est content, quoique des corvettes comme celle qui s'amène ne soient pas celles que je préfère lui voir aborder. C'est Lantok qui a enfin compris ce que le commandant a voulu lui dire avec la jeunesse attendue et qui ne peut tout à fait contenir sa méfiance instinctive de célibataire endurci, plein de prévention contre les femmes et leur influence. Le jeune capitaine est dans la joie. Anne tient sa promesse. Du premier coup d'œil, il l'a reconnue en tête de la petite troupe qui descend la montagne et se rapproche de plus en plus. Mais, pour mieux se dominer, il a préféré ne plus regarder, attendre qu'elle soit là, tout près. Depuis la veille, il n'a cessé de penser à elle, redoutant qu'elle ne pût venir malgré la solennité de son engagement dans la pauvre chapelle misérable. Par ses soins, des barques ont été envoyées au bas des blocs de rochers qui bordent le fond de l'anse. La jeune fille, en compagnie de quelques personnes, a pris place dans la première. Sur le cutter, les réflexions partent de tous côtés. Mais tandis que les anciens de l'équipage s'interrogent, se demandant ce que signifie cette visite dont ils ne comprennent pas les raisons, Sylvestre Poulzic s'exclame tout haut. « Reine en sabot que c'est ma douée ! Et moi qui souhaitais tant qu'elle pût voir son filleul, me v'la récompenser de mon travail !» sans compter qu'elle traîne nombreuses sociétés derrière elle, en vraie reine, la jolie qu'elle est. Les Guiznous, Guyadères, tout le pays de Plougasnou, on peut dire. » Dans les oreilles de Thor et Pen, toutes ces phrases n'arrivent que comme un bourdonnement confus, sans signification précise, tant il est absorbé dans sa contemplation et ravi de voir ce beau rêve se réaliser. Derrière lui, un enthousiaste a jeté ce cri. « Vive la marraine !» Il n'ose le faire taire, et d'autres voix acclament la jeune fille qui atteint l'échelle. Au moment où elle arrive sur le pont, et où la main de Thor Heppen saisit en tremblant sa main, pendant qu'elle lui offre le bouquet qu'elle apporte pour en décorer le cutter, Kergustel lance à son tour « Vive Anne Guiznou !»« Hein ? Qui cela, Guiznou ? Vous ? C'est vous, Anne ? Vous êtes une Guiznou ?»« Bien sûr, capitaine, et ma propre fille !» annonce en riant Pierre-Marie Guiznou, sautant sur le pont avec ses fils, sa femme, ses autres filles. « Ne le saviez-vous donc pas ? Vous en v'là tout saisi, qu'on dirait !» Autour du corsaire, ce sont des rires, des saluts, des congratulations qui permettent peu à peu à Thor Heppen de se remettre de l'émotion qu'il a éprouvée. Du reste, il ignore lui-même pourquoi il a ressenti ce choc brusque, profond, une sorte de coup au cœur qui l'a paralysé tout entier. Il balbutie un peu pâle, une sueur au front. « J'ignorais, je ne savais pas. Anne, Anne Guiznou. » Tout à coup, cette fille de pêcheurs obscurs lui apparaissait d'une essence supérieure, si loin de lui qu'il n'avait même pas de nom, qu'un trouble profond l'avait envahi. Comment la mériter jamais, lui si inconnu, que d'efforts pour se hausser à sa taille. Mais le voilà pris par ses devoirs de capitaine au recevant des invités à son bord. Cette fois plus que jamais, s'imposait la visite du bâtiment, et le jeune homme n'avait plus le temps de s'attarder aux pensées confuses et multiples qui emplissaient son cerveau d'un tourbillon de vertige. Tous ces anciens marins qui étaient là, autour d'Anne Guiznou, formant comme le cortège de cette petite reine de Plougasnou, Pierre-Marie Guiznou, le vieux Guyader, les gardes-côtes Carn, Morvan, Barzik, examinaient avec curiosité le cutter, analysant ses formes, étudiant en connaisseur son gréement, son armement, ses qualités de vitesse et de résistance à la mer. « Pour un fin matelot, c'est un fin matelot !» décida au bout d'un certain temps Guyader. Asserra sur l'eau pour qu'à la moindre brise la coque disparaisse entre les lames et soit ainsi en partie à l'abri des boulets. Étroit de l'arrière, coupant de l'avant comme un vrai couteau, il a tout pour lui, un vrai bijou. Puis, s'approchant de l'une des caronades et la caressant de la main, en s'adressant à l'antoc, « Une vieille amie, ça mange peu de poudre et ça porte de 35 à 48 livres de balles, pas vrai l'ancien ?»« Sans compter le projectile creux ou plein à volonté, » répondit le maître d'équipage. Mais la visite se terminait. « 4h15, capitaine, les ancres de bâbord et de tribord sont à pic. La brise a encore fraîchi, il est temps. » Jan Postek, à l'heure exacte, avait fait commencer l'appareillage par Kéribin, tandis que les visiteurs terminaient leur promenade. Les hommes étaient encore au cabestan, prêts à déraper complètement les ancres. En quelques instants, les barques remportaient ceux qui étaient venus. Anne étreignit la main du corsaire, murmurant « Je brûlerai pour mon filleul un cierge à l'église de Saint-Jean-du-Doigt. » Déjà le sifflet de l'antoc déchirait l'air de ses ondulations stridentes. La voix de commandement de Thor Heppen jeta successivement, tandis que les visiteurs étaient déjà loin, gagnant la pointe de Primel. « Dérape à tribord, range à larguer le grand phoque, abordez la brigantine, dérape à bâbord, oriente au plus près, la barre à bâbord !» Le vent chanta dans les cordages, les voiles s'enflèrent avec un bruit sourd d'oiseaux gigantesques ouvrant ses ailes, et le cutter glissa, s'engageant dans la passe, évitant la roche Antresbaz, la roche Raoul et la roche Carn, pour filer entre ces deux dernières, s'élancer vers le large, ayant le Zamégues à tribord. Sur une pointe près de la roche Carn, Anne Guiznou, qui avait eu le temps de descendre à terre, se dressait, un mouchoir à bout de bras. Thor Heppen, au passage, la salua d'un grand geste plein d'espoir en criant « Anne, Anne Guiznou !» Et ce nom de Guiznou, flottant dans les limbes de son cerveau, sans qu'il comprît pourquoi, s'enflait, prenait une séduction puissante qui l'enivrait à présent, l'exaltait comme un mot de prodige, une sorte de talisman, sous la protection duquel il se sentait capable d'accomplir des exploits et de se montrer pour cette Anne Guiznou digne d'elle, digne de son nom, digne de cette race des Guicaznou qu'il avait glorifiée à Plougaznou le dimanche de son arrivée et dont cette reine en sabots lui semblait la personnification symbolique.